إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Cher frère en Allah Azza wa Jal, avant de commencer le cours, je voudrais donc souhaiter à tous la bienvenue pour continuer ce cours de Usul Sunnah de l'imam Ahmed, expliqué par Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, et notamment aux gens de France qui nous suivent aujourd'hui avec, via la radio de Sunnah Publication, et les frères de Belgique qui diffusent notre cours aussi au centre Al-Furqan. On a donc un nouveau chapitre aujourd'hui, c'est le 17e cours de Usul Sunnah, et on arrive petit à petit à la fin, comme je l'ai déjà dit. Et donc le nouveau chapitre a pour titre « Qitalul Nusus wal Khawarij Ja'izun ». Combattre les voleurs et les Khawarij est autorisé. On va voir ce que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala il va dire à ce niveau-là et avec l'explication de Cheikh Rabi'. Et on va le voir aujourd'hui qu'on va sortir de l'explication de Cheikh Rabi' inshallah. Et on va aller dans d'autres livres, notamment l'explication de Cheikh Oubel Jabiri que je vous amène aujourd'hui de Usul Sunnah qui a été publié. Et aussi les ta'liqat de Cheikh Ibn Baz sur Sahih al-Bukhari inshallah. Et l'explication de Cheikh Mohamed Adam l'Éthiopie de Sahih al-Muslim. Donc l'imam Ahmed قال l'imam al-Mubajjal Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala fi risalatihi al-qayyimah usul sunnah قال وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال هو يدفع عن نفسه وماله رجوت له أو رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر به أو أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز وفي نسخة كما في الحاشية يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه دونك الإمام أحمد رحمه الله Qu'Allah lui fasse miséricorde, il donne son livre « Usul Sunnah Indana ». Je voudrais, avant de commencer, de vous rappeler chaque fois qu'on dit quoi ? Depuis le début, on dit chaque fois « wa »,« wa », »,« et », »,« et ». C'est-à-dire que quoi ? C'est une conjonction de coordination qui lie ce qu'on fait aujourd'hui à ce qu'il y avait avant. Et le livre commence par « wa usul sunnati indana ». Et les fondements de la sunna sont chez nous, c'est-à-dire les gens de la sunna. Et puis il les cite un par un, et puis il dit « et », « et », »,« et », etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit fait également partie des fondements de la sunna. Il dit « et ». Combattre les voleurs et les khawarij est autorisé. S'ils s'en prennent à l'argent d'un homme ou à sa personne, il lui est permis de combattre pour défendre sa personne et ses biens. Maintenant, on va voir qu'il y a un fiqh vis-à-vis de ça. Inch'Allah. Et de les protéger et les défendre avec tout ce qu'il peut. Mais il ne lui est pas permis, s'il le quitte et le laisse, de les chercher ni de poursuivre leurs traces ou de suivre leurs traces. C'est-à-dire de les poursuivre. Cela n'est permis qu'aux dirigeants ou aux gouverneurs musulmans. Il ne lui est permis de se défendre qu'à cet instant où il est attaqué, c'est ça qu'il faut comprendre, et qu'il ait l'intention de ne tuer personne. On va voir ce que ça veut dire dans un instant, inshallah. Et si la personne meurt de ses mains dans cette situation où il défend sa personne, dans le combat, Allah éloigne celui qui est tué. Et si lui-même est tué dans cette situation, en se défendant, hein, où il défend sa personne et ses biens, tu espères pour lui le martyr, c'est toujours la parole de l'imam Ahmed ici, rahimahullah, comme cela a été rapporté dans les ahadiths, et tous les textes rapportés à ce sujet ne sont qu'un ordre de le combattre, d'accord ? et il lui a pas été commandé de le tuer. C'est pour ça que si vous faites attention en arabe ici au titre du chapitre, hein, c'est quoi? Qital al-lusus ou al-khawarij, c'est pas qatl. C'est le fait de combattre. Hein, d'accord? Il ne lui a pas été commandé de le tuer ni de le poursuivre et qu'il ne l'achève pas s'il est terrassé ou s'il est blessé. Et s'il le capture, il ne lui est pas permis de le tuer ni d'appliquer sur lui la peine légale, mais il porte son affaire à ceux à qui Allah a donné le pouvoir, ceux qui sont en autorité, hein, les gens d'autorité, les dirigeants, afin qu'ils le jugent. Ça, c'est la parole de l'imam Ahmed rahimahullah. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans l'explication de Cheikh Rabi' ben Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, hafidhahullah ta'ala. Donc, l'explication de ce passage de Cheikh Rabi', il dit: فهذه تفاصيل في قتال الخوارج والصائلين والبغاة مأخوذة من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأله رجل قال: أرأيت إن أراد رجل أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني؟ قال: لا. قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: في النار. ندخل حديث: ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. Alors, qu'est-ce que nous dit Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala? Il dit: voici le détail fait en ce qui concerne le fait de combattre contre les khawarij et as-sa'ilin, c'est-à-dire les agresseurs, si vous voulez, et al-bughat. Alors, ici, dans certaines traductions, notamment une traduction qui a été publiée de l'Usul Sunnah de Cheikh Rabi', ils ont traduit par des gens qui sont armés, le bourrat. Hein? Moi, je dis qu'il faut faire attention aux traductions et il faut dire la traduction dans le sens du jargon des ulama. Et les ulama, ils font une différence entre le khawarij et le bourrat. Alors, pour ça, je vais vous amener l'explication, ou bien si vous voulez, la différenciation faite entre le khawarij et le bourrat, de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Hein, qu'on situe bien qui sont les khawarij et qui sont les bourrat, et qu'on ne s'attache pas à faire une traduction littérale, mais qu'on fasse, ou linguistique, mais qu'on fasse une traduction par le sens. D'accord? Parce qu'il y a une différence chez les ulama entre le khawarij et le bourrat. Il y en a plusieurs. Hein, elles se rejoignent. Et c'est le Cheikh Al-Fawzan qui est connu aussi, et Cheikh Jaoub Al-Jabiri, hafidhahullah, et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Et on va avoir porté aujourd'hui en tout cas celle de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Eh bien, il dit. Il explique donc la différence entre Al-Khawarij et Al-Bughat. Dans son explication de Sunan Ibn Majah, je vous donne la référence, c'est la cassette numéro 22. Il explique la différence en disant: Al-Khawarij hum alladhina 'indahum al-aqaid al-fasida wa 'indahum aidan al-khuruj 'ala al-wulat wa amma al-bughah fa 'indahum khuruj 'ala al-wulat wa laysa 'indahum ma 'inda al-khawarij. إنما خرجوا من أجل الوصول إلى السلطة ومن أجل السلطة وإن لم يكن عندهم تلك العقيدة فإن الخوارج عندهم أمور متعددة فهم خاطئة تكفير لغيرهم واعتقاد أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار وأيضا الخروج على الولاة. نعم. Et avec ça, s'arrête la parole du Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhahu Allah ta'ala. Donc il explique cette différence entre Khawarij et le Bourat. Ce sont deux groupes. Les Khawarij sont ceux qui ont des croyances corrompues, il dit, et ont aussi le fait de se rebeller contre les gouverneurs, tandis que les Bourrates, ils se rebellent, mais n'ont pas ce que les Khawarij ont. Ils ne se sont pas rebellés que pour arriver au pouvoir. Pour le pouvoir, et ce même s'ils n'ont pas ces croyances-là que les Khawarij ont, d'accord? Car les Khawarij ont différentes choses. Ils ont des compréhensions erronées. Ils jugent mécréants autrui. Et il croit que celui qui commet un grand péché est mécréant, éternellement en enfer, et il se rebelle contre les gouverneurs, etc. Donc il y a quand même une différence entre le Khawarij et Al-Bughat. Maintenant, on revient à l'explication de Cheikh Rabi'. Donc je suis sorti de l'explication de Cheikh Rabi', j'ai été dans l'explication de Sunan Ibn Majah, cassette 22 de Cheikh Mohsen Al-Abbad, juste pour vous dire la différence entre Al-Khawarij et Al-Bughat. Maintenant, on revient à Cheikh Rabi', il dit, hafidhahullah ta'ala, ces détails sont pris des hadiths rapportés du prophète alayhi salatu wasalam. Parce que comme on a dit, que l'imam Ahmed rahimahullah, il a basé son livre sur qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. Ces détails sont pris des hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wasalam. Et puis ils vont citer quelques-uns. Cheikh Rabi, il dit: un homme le questionnant en lui disant: vois-tu si un homme voulait prendre mon argent? Il lui répondit: ne le lui donne pas. C'est qui a répondu ici? Le prophète alayhi salatu wasalam, hein, le message d'Allah sallallahu alayhi wasalam. Il lui dit: ne lui donne pas. Il dit: et s'il me combat? Il répondit: combat-le. Vous avez entendu, c'est là, quoi? C'est qatilhu. Hein? Combat-le, pas combat-le. Il dit, et s'il me tue? Il répondit, alayhi salatu wassalam, alors tu es un martyr. Hein? Il dit, et si je le tue? D'accord? Il dit, en enfer. D'accord? Et c'est rapporté par Muslim dans son Sahih, je vous donne la référence, le hadith numéro 140. Puis c'est un autre hadith, et le hadith qui dit, et celui qui est tué défendant sa personne, douna nafsihi, est un martyr. Et celui qui est tué défendant son argent, douna malihi, est un martyr, fahuwa shahid. Et celui qui est tué défendant sa religion, eh bien, est un martyr. Et c'est rapporté par Tirmidhi dans Sunan, numéro 1421. Et il dit, Tirmidhi rahimahullah, hadithun hasanun sahih. Va reprendre entre le mustalah, qu'est-ce que veut dire Tirmidhi rahimahullah quand il dit hasanun sahih. Parce qu'on n'a pas trop le temps, parce qu'on va rentrer dans beaucoup de choses différentes aujourd'hui, inshallah. Et rapporté par Abu Daoud, numéro 4772. Et quand on dit Abu Daoud, c'est dans Sunan. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit sur ce hadith qu'il est sahih, il est authentique. Et puis on rapporte un autre hadith. Et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et celui qui est tué défendant son argent, c'est bien, est un martyr, d'accord? Rapporté par Al-Bukhari, ou plutôt c'est le même hadith, mais en fait ici, cette parole tirée du hadith, et celui qui est tué défendant son argent, c'est bien, est un martyr, eh bien elle est rapportée par Al-Bukhari, numéro 2480, et Muslim, numéro 141. C'est donc ce qu'on appelle quoi, hein? Muttafaqun alayh. Puis Cheikh Rabi, il continue son explication et il dit فَإِذَا اَعْتُدِيَ عَلَى الْإِنسَانِ فِي مَالِهِ أَوْ حُرَمِهِ أَوْ نَفْسِهِ فَلَهُ أَنْ يُدَافِعَ وَبِالَّتِي أَحْسَنَ لَا يَقْصُدُ الْقَتْلِ يَدْفَعُ بِالَّتِي أَحْسَنَ فَإِذَا أَدَّى الْأَمْرُ إِلَى أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَهْتَمُ بِقَتْلِهِ وَإِنْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ فالدفاع عن المال وعن العرض وعن النفس من في مثل هذه الأحوال أجاز الشارع للمعتدى عليه أن يدافع عن نفسه وماله وحرامه بل أوجب بعض العلماء الدفاع عن الحرمات زوجته وأخته وعن حريمه يجب عليه أن يدافع عن ذلك فإذا دفع ذلك بأدنى الأسباب فالحمد لله وإن أدى الأمر في النهاية إلى قتله فلا إثم عليه والمقتول في النار. وإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد إن شاء الله يعني يكون بنفسه قاصدا وجه الله تبارك وتعالى وملتزما بشرع الله عز وجل ليس مجرد الدفاع عن النفس لأن الأعمال بالنيات الله سبحانه وتعالى أباح لي وأجاز لي بل أوجب لي الدفاع عن نفسي ومالي وأجاز لي ذلك. Qu'est-ce que dit Cheikh Rabi Hafidhahu Ta'ala? Il dit, donc c'est parce que qu'Allah nous en préserve, ça peut nous arriver. Il faut savoir comment se comporter selon la charia islamia. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un cas dans la presse dans ces derniers jours, hein, de quelqu'un à la campagne qui s'est fait attaquer en Angleterre, hein, et qui, sa femme est descendue dans les escaliers, elle lui a donné une arme, une carabine, il a tiré dans le visage d'un des cambrioleurs, il a blessé l'autre aussi, etc. Hein, et ça fait toute une histoire en Angleterre. Donc c'est des choses qui arrivent. Et nous, en tant que musulmans, en tant que salafis, on voudrait savoir quel est le comportement dans la sunna, hein, quand on est attaqué par quelqu'un. Et Cheikh, il dit, donc si une personne, on attend à ses biens, ou aux femmes de sa famille, d'accord, le harim, ou à sa propre personne, il lui est permis de se défendre de la manière qu'il a meilleure, billati ahsan, sans avoir l'intention de tuer. Alors, vous allez voir qu'après, je vais faire, en plus de chapitre ici, je vais refaire le même chapitre, Inch'Allah, parce qu'on aura le temps, Inch'Allah, de Cheikh Obel Jabiri. Pourquoi? Parce qu'il va donner des cas concrets, en fait. Il va donner un cas concret qui va illustrer comment se comporter, justement. Mais je vous réfère encore à une autre explication. C'est celle de Cheikh Abdullah al-Bukhari. Parce qu'il a donné des très très belles qawaïd, hein, dans ce chapitre-là, de la manière de comment se comporter, etc., vis-à-vis de ça. D'accord, hein? Parce qu'il a expliqué, il a dit que celui qui a subi une injustice, tu peux devenir quoi? Celui qui cause une injustice. Il faut faire attention. Retournez à celle de Cheikh Abdallah al-Bukhari, c'est sur son site, Cheikh Abdallah ibn Abdelrahim al-Bukhari, hafidhahullah, parmi les jours de Médine, c'est le fiyoun. Donc il dit, Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, il se défend de la manière qui est la meilleure sans avoir l'intention de tuer. Vous suivez bien ici, hein? Il repousse, il se défend de la meilleure des manières, mais si l'affaire va maintenant jusqu'à ce qu'il le tue, alors dans ce cas-là, il ne doit pas s'inquiéter. D'accord? Et s'il est tué, il est alors un martyr. La défense de ses biens, des biens et de l'honneur et de la personne dans ces cas-là, eh bien, le législateur a autorisé à celui qui est attaqué de se défendre et de défendre ses biens. Et les femmes de sa famille. D'accord? Mais de plus, certains savants ont jugé qu'il était obligatoire de défendre les femmes de sa famille. C'est-à-dire sa femme, sa sœur, hein, etc. Il est obligatoire de les défendre. S'il repousse par les plus petits moyens, alhamdoulilah. Et si à la fin l'affaire est telle qu'il a dû le tuer, il est alors pas en état de péché. Et celui qui est tué est en enfer, c'est-à-dire l'agresseur est en enfer. Et si celui qui est attaqué est tué, il est alors un martyr, si Allah le veut, comme dit Cheikh Rabi. C'est-à-dire qu'il est l'intention, hein, pour intention, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle soit conforme à la législation. D'accord? Et on va voir que qu'est-ce que ça veut dire par rapport à par rapport au shahid, etc. D'accord? Maintenant, c'est en passant, c'est qu'il y a un chapitre dans le Bukhari qui dit La yuqalu li fulanin shahid. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est martyr, shahid. On dit quoi? On dit Inch'Allah, sauf si on a un dalil de la législation islamique. Si le prophète a dit Foulan shahid, alors qu'est-ce que nous on dit? Foulan shahid. D'accord? Mais on dit Narjou lahu shahada, Inch'Allah, etc. Mais on ne peut pas faire ce qu'on appelle jazm. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Et on va voir dans un exemple, je vais rapporter l'expression de Sahih Muslim sur l'Éthiopie, dans un exemple qui a à voir avec ce cours, on va le voir un peu plus tard, vous allez mieux comprendre, Inch'Allah. Hein? Donc on a dit, Cheikh, et d'ailleurs vous voyez la précision de Cheikh Rabi Hafdallah, il dit donc, hein, il est martyr si Allah le veut, c'est-à-dire qu'il est l'intention, hein, pour intention la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il soit conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas que cela soit pour une simple défense, juste une défense de sa propre personne, car les actes valent par leurs intentions. Innamal a'malu binniyat. Dans une riwaya, dans Sahih Muslim, dans Kitab al-Imara, hadith numéro 1957, si je me souviens bien, c'est Innamal a'malu binniyat. Hein? Au singulier. Allah m'a rendu licite et m'a autorisé, mais de plus m'a rendu obligatoire de défendre ma propre personne et mes biens où me l'a permis. Cheikh continue en disant Fal-Imam Ahmad bana hadith al-Masala al-Hadith. ويقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح قتاله ولم يبح قتله شرع القتال ولم وشرع القتال ولم يشرع قتله فأنت لا تنوي قتله إنما تنوي مدافعته فإن اندفع فالحمد لله وإن لم يندفع إلا بقتله فالحكم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم عليه الصلاة والسلام هذا المعتدي في النار إذا قتل والمعتدى عليه donc vous avez quoi en arabe retenez ces mots-là المعتدى عليه المعتدي Le mu'tadi, c'est celui qui agresse. Hein? Qui agresse une autre personne. Qui s'en prend à une autre personne de manière injuste. D'accord? Et vous avez le mu'tada alayh. C'est celui qui subit cette agression. Celui qui est attaqué. Et le mot en arabe, c'est i'tida. Du verbe i'tada. I'tadi i'tida'an. Et le mu'tadi, le mu'tada alayh. Donc le mu'tada alayh, ida qutila shahid. Cheikh, il dit, l'imam Ahmed, rahimahullah, c'est donc basé à ce sujet sur ces hadiths. Et son intention, c'est de dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a permis de le combattre, mais n'a pas permis de le tuer. Il a légiféré le combat, mais n'a pas légiféré de le tuer. Donc toi, tu n'as pas l'intention de le tuer, mais tu n'as pour intention que de le repousser. S'il est repoussé, alhamdoulilah. Et s'il n'est repoussé que par le fait de le tuer, alors le jugement est ce qu'a dit le noble messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'agresseur est en enfer. S'il est tué. Et l'agressé, s'il est tué, est un martyr. Vous voyez la différence? Si tu le captures, maintenant, c'est peut-être dans cette situation-là que, alhamdoulilah, tu arrives à repousser son attaque, tu arrives à le maîtriser, comment tu dois te comporter dans le charia al-islamia? Et pas comme dans certains pays, on a vu hein, dernièrement, etc. On voit que même s'il y a un captif, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On l'achève. D'accord? Vous voyez que c'est ces gens-là qui revendiquent le djihad, etc. Souvent, ils ne sont pas muqayyin min dawab et shar'iyya. Pourquoi? Parce qu'ils ne reviennent pas aux ulama, ce sont eux-mêmes, ce sont pas des tullab ilm, etc. D'accord? Donc, l'importance de savoir, encore une fois, regarder l'ilm. Parce que l'ilm, tu sais quoi faire et tu ne tombes pas dans l'injustice et tu ne tombes pas dans ce qui est illicite. Tu sais comment te comporter avec justice. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala? Il dit وإذا وقع أسيرا في يدك أو جريحا لا تقضي عليه، ليس لك حق أن تجهز عليه. إذا ولى مدبرا ليس لك أن تتبعه، انتهى شره هو المطلوب، إما بسقوطه سريعا صريعا جريحا، وإما بأن ولى الأدبار هاربا فلا تتبعه، وإذا سقط جريحا لا تجهز عليه. لا يجوز لك ذلك، لأن هذا يكون حينئذ من العدوان، لأنك أمرت بمقاتلته ولم تؤمر بقتله. وإن وقع أسيرا في يدك فليس لك أن تقتله أو تقيم عليه الحد، ترفع شأنه شأن هذا الأسير إلى ولاة الأمور، وهم الذين ينفذون في حكم الله أو ما يريدون، إن خالفوا فالمسؤولية عليهم. D'accord ? Qu'est-ce que Cheikh Rabi' dit ici ? Il dit, et si tu le captures ou qu'il est blessé, tu ne l'achèves pas. Tu n'as pas le droit de lui porter le coup de grâce. S'il s'enfuit, tu n'as pas le droit de le poursuivre. Et il n'y a pas si longtemps, un cas à Bruxelles, hein, de quelqu'un qui s'était fait cambrioler, etc., et qui a poursuivi les gens, qui leur a tiré, qui l'a battu dans le dos. D'accord ? Donc c'est des cas concrets, il y a Ikhwa. Hein ? Qu'Allah nous en préserve, qu'on soit attaqué, qu'on soit agressé, nous et nos familles. Hein? Mais si maintenant ça arrive, qu'Allah nous en préserve, eh bien il faut savoir comment se comporter selon le sharia islamique. Et Cheikh, il dit, écoutez bien ça, il dit donc, tu n'as pas le droit de le poursuivre s'il s'enfuit. Et s'il est blessé, tu n'as pas le droit de l'achever. Si tu le captures ou qu'il est blessé, ne l'achève pas. Tu n'as pas le droit de lui porter le coup de grâce. Hein? Et s'il s'enfuit, tu n'as pas le droit de le poursuivre. Son mal est fini et c'est ce qui est voulu. Soit qu'il tombe terrassé, blessé, soit qu'il s'enfuit en tournant le dos. Alors, tu ne poursuis pas. Et s'il tombe blessé, tu ne l'achèves pas, cela ne t'est pas permis. Car cela serait alors une injustice. Et vous voyez la parole de Cheikh al-Bukhari maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit ? Abdallah al-Bukhari, il a dit quoi ? Que de quelqu'un qui a subi une injustice, tu peux devenir toi celui qui est injuste. Car tu étais commandé de le combattre et tu n'as pas été commandé, ordonné de le tuer. Et s'il est capturé et entre tes mains, tu n'as pas le droit de le tuer ou d'appliquer la peine légale sur lui. D'accord ? Ce qu'on appelle had. Tu n'as pas le droit. Hein ? Tu portes son affaire, l'affaire de ce captif, au gouverneur, aux dirigeants, aux autorités. Et ce sont eux qui mettent en application sur lui le jugement d'Allah ou ce qu'ils veulent faire. S'ils transgressent, c'est leur responsabilité à ce moment-là. Parce que toi, tu as fait quoi ? Tu as fait ton obligation, tu l'as capturé. Hein ? Et on va le voir dans un instant dans l'explication de Cheikh Obed, Inch'Allah. Et tu as fait, en fait, ce que tu voulais est arrivé. C'est-à-dire quoi ? Si tu t'es protégé, tu l'as maîtrisé, eh bien, tu ne vas pas plus loin que cela. Tu le portes ton affaire aux gens qui sont responsables, et après, hein, c'est eux qui voient comment le punir, etc. Et s'ils transgressent, c'est leur responsabilité. D'accord ? Alors, comme j'ai dit, afin que le cours soit complet, j'ai voulu lire l'explication de ce chapitre des fondements de la sunna de l'imam Ahmed par Cheikh Obel Jabiri, qu'Allah le préserve. Car il illustre bien ce point en donnant des exemples concrets. D'accord ? Alors franchement, j'étais devant un dilemme, je me suis dit, parce que quand on arrive à la fin d'un livre, on veut vite le finir. Hein? Mais je me suis dit que, surtout qu'on a envie de faire d'autres livres, il y en a beaucoup, il y a une longue liste qu'on aimerait faire. Parmi ceux que j'aimerais faire peut-être dans les cours prochains, Inch'Allah, en l'Aqida, il y a Usul Sunna de l'imam al-Humaydi, rahimahullah, qui a une explication de Cheikh Obel Jabiri, Cheikh Abdal Bukhari, je ne sais pas encore laquelle. Il y a d'autres livres que j'ai en tête, mais on verra, Inch'Allah. Il y a Sifat Salah que beaucoup de gens nous demandent de terminer, parce qu'on a fait les deux tiers du livre, expliqué par Cheikh Bezmoul, et d'autres. Hein? On verra, Inch'Allah. Donc, dans cette explication qui a pour titre « Ghiras al-Jannah fi sharhi usul sunnah » aux éditions d'Ar l'Imam Ahmed, page 106 et suivante. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Abel Jabiri ? Ben, c'est le même chapitre concernant le fait de combattre qui ? Les voleurs et les khawarij, que c'est permis. Eh bien, dit Cheikh Abel Jabiri, « Hafidahullah ta'ala »« هذا المبحث في قطاع الطرق الذين يعرضون للناس جماعات أو أفراد ويتعدون على نفوسهم وأموالهم » Il va donner différents points. Donc, Cheikh Abel Jabiri, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ce sujet traite, toujours le même chapitre qu'on a cité de l'imam Ahmed, ce sujet traite des brigands de grand chemin qui s'attaquent aux gens en groupe ou individuellement et s'en prennent à leur personne et à leur bien. Celui donc qui est attaqué par eux se doit de faire ce qui suit. Et puis, il va dire, Cheikh Abel Jabiri, qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord ? Premièrement, awalan ad-difa'u an nafsihi. Fa huwa haqquhu al-mashru'. Premièrement, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, défendre sa personne car c'est son droit légiféré. D'accord ? Deuxièmement, thaniyan yakunu ad-difa'u hada bima yakuffu anhu sharq qatta' al-turuq wal-lusus. فإن كف شرهم عنه وأمنهم بدون قتل فلا يزيد على ذلك ولا يعاجلهم بالقتل حتى يغلب على ظنها أنهم قاتلوه مثالا et puis va donner un exemple. Deuxièmement, cette défense se fait par ce qui suffit à repousser le mal de ces brigands de grand chemin et les voleurs. Leur mal s'éloigne de lui et qu'il est en sécurité, quant à ses agresseurs sans les tuer, il ne doit alors pas faire plus que cela. Et qu'il ne se précipite pas à les tuer jusqu'à ce qu'il soit fondé à croire qu'il le combatte. Prenez cet exemple. Cheikh va donner un exemple concret, et c'est pour ça que j'ai voulu rapporter cette explication à Cheikh Obeid, parce qu'il fait partie du bon enseignement de donner des exemples qui illustrent la théorie. Il a dit quoi ici? Il a dit « إذا كان المعتدي صاحب عصا أو سكين أو آلة مثقلة كالمطرقة والمعتدى عليه مع السلاح الفتاك فأيهم الذي يكون في مقام القوى المهاجم أو المدافع ?» الجواب المدافع. Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Prenez cet exemple. Si l'agresseur a un bâton ou un couteau ou un outil lourd comme un marteau, mais que celui qui est agressé a une arme létale, une arme mortelle, lequel des deux est en position de force? Eh bien, l'agresseur ou celui qui se défend? Ben, celui qui se défend. Cheikh dit donc, « إذن يكفيه أن يهددهم ويطلق النار عليهم تخويفا لأن الذي معه عصا لا يظن أنه يهجم بالقوة على المسلح لكن لو فرضنا أنه هاجمه وغامر متدرب عنده حيل يغافله فله أن يطلق النار عليه بما يعرقله عنه في يده في رجله وإن أبى غلب على ظنه أنه قاتله عرف منه الماكر والاحتيال قتله ولا كرامة عليه. Cheikh il dit, celui qui se défend donc est en situation de force. Donc il lui suffit de les menacer et de tirer un coup de semence afin de les apeurer, ça suffit. Car celui qui a un bâton ou pense, on pense qu'il ne va pas attaquer par la force celui qui est armé. Mais si nous admettons qu'il l'attaque et s'engage avec lui dans une lutte sans prêter attention au danger, parce que c'est quelqu'un qui est entraîné et qu'il a des ruses, qu'il le prenne au dépourvu, etc. Il est alors permis de tirer sur lui de manière à entraver son avance dans sa main ou son pied. Vous voyez l'échelonnement, d'accord? Dans sa main ou de son pied. Et s'il refuse et qu'il soit fondé de croire qu'il le combat et qu'il connaisse sa ruse et sa perfidie, il le tue. Et alors à ce moment-là, il n'y a aucune considération qui lui est due à celui qui est tué, d'accord? Troisième chose, il dit Cheikh Obel Jabiri, « إذا هرب هؤلاء لا يتبعهم لأنهم كانوا يريدون شيئا منه وها نفسه أو ماله فخذلهم الله عنه لكن لا منع أن يحتاط لنفسه ويتحسس حيث يتوجس هجومهم عليه هذا له إذا أصيب أحد هؤلاء بسلاح هؤلاء المعتدى عليهم وسقط على الأرض من هؤلاء المعتدين فإنه لا يجهز على الجريح يتركه له انكف شره عنه وهذه الغاية لأن المقصود قتاله أن المقصود قتاله أي دافعته وليس المقصود قتل هؤلاء القتل إنما هو آخر علاج كما يقال آخر الدواء الكي فهو آخر ما يلجأ إليه المعتدى عليه من هؤلاء إلا الإمام أو الأمير القائم فله أن يتبعهم ويتحين أماكنهم ويتحسسها لأن الإمام ذمته مشغولة بأمن الرعية فهمتم هذا. Donc Cheikh Obel Jabiri حفظه الله par son bon enseignement, c'est qu'il Il continue l'explication, il donne le détail par rapport à cela. Il dit, troisièmement, si ceux-là prennent la fuite, eh bien, il ne les poursuit pas, car il voulait quelque chose de lui, et c'est sa vie, ou ses biens, mais Allah a causé leur défection quant à lui. Mais il n'y a rien qui l'empêche d'être sur ses gardes, et qu'il prête attention lorsqu'il pressent qu'ils vont l'attaquer. Cela lui est permis. Si l'un des agresseurs est blessé par l'arme de l'un de ceux qui sont agressés, et qu'il tombe à terre, parmi ceux qui sont en train d'attaquer, il n'achève donc pas le blessé et le laisse, car son mal s'est éloigné de lui. Et c'est cela le but, car ce qui est voulu, c'est de le combattre, c'est-à-dire de le repousser, de repousser son attaque. Et ce n'est pas de les tuer. Et les tuer est le dernier des remèdes. Et comme on dit, le dernier des remèdes est la cautérisation. Le kay, le fait de brûler, de cautériser une blessure. Le kay, ce qu'on appelle le kay dans la langue arabe. Et c'est donc la dernière chose à laquelle a recours celui qui est agressé, à part le dirigeant ou le gouverneur. Vous allez voir pourquoi. Qui est en place, il a le droit de les poursuivre et de chercher où ils sont et chercher à les trouver. Car le dirigeant, sa responsabilité est engagée et il est occupé à la sécurité du peuple. Avez-vous compris cela, le cheikh, il dit ? Puis cheikh, il termine ce point-là en disant « L'imam dhimmatuhu mashghoulatun bi amni ra'iyya. Amal mu'tada alayhi dhimmatuhu mashghoulatun bi amni nafsih. Wa qad hasal. Lakin l'imam la, la budda an yajtatha uruqahum wa juzurahum wa yuqawida qawa'idahum alati yantaliquna minha hatta ya'mana ahlul qutri aw al-aqtar sharrahum. لو وقع أحد المعتدين من قطاع الطرق واللصوص وهم محاربون أسرى في يد المعتدى عليهم ماذا يصنع به؟ شيخ الدي يرفع أمره إلى الأمير أو الوالي ثم يتركه لأن الأمير سينظر في الموضوع هل هذا يستحق القتل أو لا يستحق القتل. شيخ عبيد الجبري حفظه الله il termine ce point-là en disant le dirigeant sa responsabilité est occupée à la sécurité du peuple. Tandis que l'agressé, sa responsabilité est engagée, est occupée à sa propre sécurité personnelle. Vous voyez la différence ? Et c'est ce qu'il a obtenu, tandis que le dirigeant, non. Il se doit d'extirper leurs racines et démolir leurs bases, d'où ils partent, afin que les gens de la région ou des régions, des contrées, soient préservés de leur mal de ces gens-là. C'est pour ça que lui, il a le droit de quoi ? Et c'est par, ça fait partie de sa responsabilité de les poursuivre et de trouver où ils sont, etc. Afin que les gens soient en sécurité par rapport à leur mal. Cher, il dit, si l'un des agresseurs parmi les brigands de grand chemin et les voleurs alors qu'ils combattent est fait prisonnier par celui qui est attaqué, que doit-il faire ? Hein, on a déjà répondu à la question. Cher Obed, il répond de la même manière. Vous voyez que les paroles des gens de la Sunna sont quoi ? Sont conformes parce qu'ils prennent tous de la même source. Cher Rabi, il a dit quelque chose. Cher Obed al-Jabiri, il a dit la même chose. Vous allez voir l'explication de Cher Nizmi, vous allez trouver la même chose. Cher Abdallah al-Bukhari, il a dit la même chose, etc. D'accord ? Cher, il dit, il doit porter son affaire aux dirigeants ou à celui qui a été placé comme autorité, puis le laisse, car le gouverneur va analyser l'affaire, mérite-t-il d'être tué ou non. Cheikh il dit, قد يكون مغررا به من قاعدة الله وراءه أغرته. الأمير ينظر ويجتهد لأن الأمير معه أهل الحل والعقد من العلماء والقضاة والمفتين وأهل الشورى وأهل شورى وهم الذين لهم الكلمة فيه. أما المعتدى عليه فحقه أن يسلمه للأمير أو نائبه. ثم Et puis il termine le chapitre, mais on ne va pas lire cela parce qu'il rapporte juste que le hadith qui a rapporté Cheikh Rabi est que celui qui est tué en défendant ses biens, eh bien il est quoi ? Il est martyr. On va juste traduire ce petit point-là qui est important parce qu'il résume bien le sujet. Cheikh, il dit, est-ce qu'il mérite d'être tué ou non ? C'est le gouverneur, c'est le dirigeant qui regarde ça. Il se peut qu'il ait été trompé par une base derrière lui, qu'il ait poussé à le faire. Le dirigeant fait donc l'effort de juger en ce qui le concerne et il a à ses côtés Ahlul Hal wal Aqd. Dans une des réfutations de Tekfirin sur notre site SPF Birmingham, on expliquait l'explication, on a rapporté l'explication de Cheikh Al-Fawzan pour savoir c'est qui Ahlul Hal wal Aqd. Et Cheikh Abed il dit d'ailleurs, c'est parmi les savants et les juges et les muftis et les gens de l'assemblée de consultation, ce sont eux qui ont le droit de parler à son sujet. Tandis que celui qui a été agressé, son droit est de le remettre au dirigeant ou à son délégué. Et fin de citation donc de Cheikh Obed al-Jabiri, hafidahullah ta'ala. Maintenant, on rentre dans un nouveau chapitre qui a pour titre La nashhadu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wa la nar. Ça, j'avais déjà parlé dans un des cours précédents et j'avais dit qu'il y avait un chapitre qui était consacré à cela en long et en large. L'imam Ahmed rahimahullah, il dit, et c'est le titre du chapitre, nous n'attestons pour personne parmi les gens de la Qibla qui est au paradis ou en enfer. Alors, c'est quoi Ahl al-Qibla ? On va rapporter une faïda de Cheikh Obel Jabiri qui dit que Ahl al-Qibla, ce sont qui ? Al-Musalloun, ceux qui prient. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous dirigés vers la Qibla. Mais Cheikh Obel Jabiri, quand vous regardez dans son explication de Usul Sunnah, si vous voulez jeter un coup d'œil après, vous pouvez regarder, j'ai le livre ici. Hein ? Il dit quoi ? C'est important de faire ce genre de parenthèse-là pour que tout soit bien compris en détail. Il dit, dans le même chapitre, « La nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati ba'amalin ya'amalhu bi jannati wa la nar, narju li salih wa nakhaf alayhi, wa nakhaf ala musi al-mudnib wa narju lahu rahmatallah. » Cheikh, il dit, « Dakhal al-mu'allif rahmatallah alayhi fi masai al-hukm. » L'auteur, qui est l'imam Ahmed, il s'attache à parler de ce qui touche au jugement sur les gens. « Al-hukm ala ahli al-qibla. » Le jugement, ce qui concerne les gens de la Qibla, c'est qui les gens de la Qibla qu'on vient de définir ça. Cheikh il dit, wal muradu bi ahli al-qiblati hum al-musallun. سموا أهل القبلة لأنهم كلهم يستقبلون الكعبة. Ils ont été appelés les gens de la Qibla. Pourquoi? Parce que tous, ils prennent dans la prière, hein, pour direction quoi? Le Kaaba. فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَسِيَأْتِي قَيْدِ. C'est pour ça que je vais rapporter ça. لِهَذَا آخِرْ رِسَالَةِ. Donc celui qui meurt parmi les gens de la Qibla. Mais il faut faire encore une restriction dans les gens de la Qibla. Et je vais dire c'est quoi dans un instant, inshallah. Et d'ailleurs, l'imam Ahmed, pour les frères qui ont déjà étudié ce livre, à la fin, dans un des chapitres, vraiment un des derniers chapitres, qu'on va voir, inshallah, il rapporte cette condition-là. Et Cheikh, il dit, « Man mata min ahl qibla salihan taqiyya ala tawhid. Fi dhahir rajawna lahu rahmatallah. » Celui parmi les gens qui prient, les gens de la qibla, hein, qui meurt vertueux, pieux, parmi les gens de tawhid, en apparence, nous espérons pour lui donc quoi? La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que rapporte Ubayd un peu plus loin dans le livre ici. Regardez, je vais vous lire aussi. نَحْنُ قُلْنَا فِي مُسْتَهَلِّ هَدِي الْجَلْسَ أَهْلِ الْقِبْلَ مَنْ يُصَلُّونَ إِلَيْهَا. Donc dans le même dars, Cheikh il dit, hein, un peu avant, ce qu'on vient de faire d'ailleurs, on a dit qu'Ahl al-Qibla ce sont que ceux qui prient en direction la Qibla, c'est-à-dire de la Kaaba, d'accord? وَقُلْتُ لَكُمْ حِينَ ذَاك سَيَأْتِ قَيْدٌ. Et je vous ai dit qu'il y a une condition, une restriction qui va arriver à la fin du livre. C'est quoi cette restriction? وَهَذَا هُوَ الْقَيْدُ فَإِنَّ مَنْ يُصَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ قِسْمَانٌ. Ceux qui prient en direction de la Qibla sont deux catégories de gens. قِسْمٌ يُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ. Une catégorie qui prie vers la Qibla. وَهُمْ أَهْلُهَا حَقًّا. Et ils sont les gens de la Qibla en vérité, réellement. Pourquoi? وَهُمْ أَهْلُ التَّوْحِيدِ. C'est ceux qui sont sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَؤُلَا هُمُ الَّذِينَ عَانَاهُمُ الْمُصَنِّفِ. C'est ceux-là qu'a voulu, dont a voulu parler l'imam Ahmed rahimahullah. Vous voyez que l'importance de revenir aux paroles des ulama pour expliquer les paroles des ulama. فَإِنَّهُمْ يُصَلَّ عَلِيهِمْ. Donc on prie sur eux salat al-janaza. وَيُسْتَغْفَرْ لَهُمْ. Et on demande pardon pour eux. On demande à Allah Azul qu'il leur pardonne. D'accord. وَيُدْعَ لَهُمْ. Et on fait du'a pour eux aussi. وَيُسْتَصَدَّقُ عَنْهُمْ. Et on fait sadaqa pour eux. D'accord, hein? Ou plutôt, hein? عَنْهُمْ. Vous savez ce que ça veut dire, عَنْهُمْ, hein? C'est-à-dire qu'on ne fait pas sadaqa en vous, c'est sadaqa à eux, non. Mais on a l'intention que c'est pour eux, Annie. En anglais, on a un beau mot pour ça, on their behalf. Hein? D'accord. وَإِنْ كَانُوا فُو السَّقْفُ الْجَرْمَدَ مَعْنَهُ لَتْتُوحِيدِ مَا عَدَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَةِ فَقَدْ عَرَفْتُمْ الْكَلَامِ فِيهِ أَمْسِ. Puis la deuxième catégorie, الثاني, من يصلي إلى القبلة. Aussi des gens qui prient vers la Qibla. وليس من أهلها. Mais ils n'en font pas partie des gens de la Qibla. Pourquoi? لأنه مشرك شركا قامت عليه الحجة فيه. Mais c'est un mushrik, un associateur qui fait un shirk. Et regardez ici, hein, par rapport aux gens qui se précipitent dans le takfir, hein, قامت عليه الحجة فيه. Mais que les preuves ont été dressées contre lui concernant ce shirk là. Et qu'il est obstiné, mais continue quand même après que les preuves étaient dressées, hein, par rapport à ce sujet-là, que c'est du shirk. Il sait que c'est du shirk, mais il s'obstine et il continue. Enfin, mu'anid. فَهَذَا وَإِذَا إِنْ كَانَ يُصَلِي إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ حَقِيقَةً. Cela même s'il prie vers la Qibla, ils ne sont pas considérés réellement, comme étant réellement parmi les gens de la Qibla. هذا كافر شيخ يدي. Celui-là, il est mécréant. Hein? مادام أنه مشرك شركا عن علم ويقين بلغته الحجة الرسالية فيه وأبى الحق واستنكف عنه فهو كافر حلال الدم ولا ينفعه صيامه ولا صلاته ولا حجه ولا أي عمل يعمله. Donc c'est quelqu'un qui est un kafir. Pourquoi? Tant qu'il est associateur, qu'il est associé en sachant que c'est une association, hein? C'est-à-dire qu'il a العلم, عن علم ويقين, et qu'il est certain. Et que la preuve lui soit parvenue, Risaliya, de la législation islamique, de la Risala du message. Fi, wa abal haq, et qu'il refuse la vérité. Wa stankafa an, hein? Et qu'il s'éloigne de cela, c'est-à-dire qu'il refuse la vérité. Fa wa kafir, il est donc à ce moment-là un mécréant. Hal dam, wa la yanfa'u siyamuhu, wa la salatuhu, wa la hajju, wa la ayu amalin ya'amaluhu. Et donc c'est un kafir dont le sang est licite. Et que son jeûne, ni sa prière, ni son hajj, ni aucune autre action ne lui est bénéfique. Vous connaissez tous le verset. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. D'accord. Et vous voyez ici, et ça réfère encore une fois bien au منهج أهل السنة والجماعة sur le takfir d'un individu spécifique. Et que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas facile. C'est l'ulama enraciné dans la science qui s'occupe de ce genre d'affaires. Hein? Et sur notre site, on a commencé à traduire petit à petit des paroles de savants, Cheikh Al-Fawzan, le Mufti, etc. Et on va rapporter aussi Cheikh Abou El-Jabiri dans l'explication du livre de Cheikh Al-Uthaymin, Qa'id al-Muthla, parce que c'est un livre dans l'Asma al-Sifat. Et Cheikh Al-Uthaymin, dans un des chapitres à la fin, il rapporte le hukm de ceux qui hein, ont une erreur dans l'Asma al-Sifat et qui ont une mécréance par rapport à ça. Il a dit quel est le manhaj al-Sunnah al-Jama'a sur le fait de juger quelqu'un mécréant, mubtadi' ou fasiq. Il rapporte des qawa'id. Et Cheikh Abou El-Jabiri, lui-même, Cheikh Al-Uthaymin, il l'explique d'ailleurs. Et Cheikh Abou El-Jabiri, il explique ses livres, il explique ces règles-là. Hein? Et Cheikh Bezmoul, dans la Waqil Islam, il explique bien cela. Et dans d'autres livres. Hein? Et j'avais cité quelques sources dans un des cours précédents, vous vous souvenez, hein? Par rapport au takfir spécifique, etc. Et j'avais rapporté la règle que les ulama, ils font la différence entre le takfir de naw' ou le takfir mu'ayyan. Takfir de genre, celui qui fait ça est un mushrik. Et le takfir de la personne spécifique. Parce que la personne spécifique, pour juger la personne spécifique mécréant, ce sont les enracinés de la science qui font ça, les ulama. Il faut que les conditions soient réunies et les barrières soient levées. Et j'ai posé moi-même la question à Cheikh Hassan Benna quand j'étais le voir, quand il était en Angleterre à Manchester. Et j'ai rapporté qu'il y avait des gens qui se précipitaient à ce niveau-là, etc. Et qui disaient que même l'ami peut faire cela. Il a dit c'est faux. Il a dit c'est ni pour toi ni pour moi. Cheikh Hassan Benna a plus de 80 ans, il fait partie des savants. Cheikh Ben Baz, à l'époque, il avait demandé d'être enseignant à l'université de Médine. Hein? Il a dit c'est ni pour toi ni pour toi. Il a dit pour l'ulama al-kibar, il a dit ça. Il a dit trouvez quelqu'un un peu d'âgé dans la mosquée qui leur fasse nasiha et s'ils ne veulent pas, qu'ils aillent prier ailleurs. Il a dit, c'est pas une affaire simple, ça y est. Hein? Donc, avec cela, on a fini ce point-là que je veux dire par rapport à Ahl Qibla. Et on revient maintenant au chapitre La nashadu li ahadin min ahli al-Qibla bi jannatin wa la nar. Nous n'attestons pour personne parmi les gens de la Qibla. On a expliqué maintenant c'est quoi les gens de la Qibla et qu'est-ce que l'intention et qu'est-ce qui est voulu par l'imam Ahmed, rahimahullah, d'accord, qu'il est au paradis ou en enfer. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah? Encore une fois, voilà. C'est quoi le wa ici? C'est-à-dire que ça réfère toujours au début du livre. Wa usul sunnati indana, et les fondements de la sunna sont chez nous. Et puis rapporte wa, wa, wa, wa, etc. Comme dit Cheikh Abdallah al-Bukhari, etc. Pour montrer que c'est ma'touf ala ma qabla. C'est-à-dire cette coordonnée ou une conjonction de coordination. Hein, fouillez dans vos souvenirs de grammaire française à l'école à l'époque pour ceux qui en ont fait. Hein. Conjonction de coordination. Je sais que l'Académie française, il y a des changements, etc. Ala kulli hal. Moi, je suis de l'ancienne école. Hein? La conjonction de coordination à ce niveau-là pour mettre que, eh bien, et, eh bien, c'est coordonné à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que ça fait partie des fondements de la sunna. Et nous n'attestons pour personne parmi les gens de la Qibla, en raison d'une action qu'il a faite, qu'il est au paradis, ni qu'il est en enfer. Nous espérons pour le vertueux et nous craignons à son sujet. Et nous craignons pour celui qui fait du mal, hein, qui est un pécheur, al-moussi, al-moudnib. Et, j'ai pas lu ce passage-là en arabe, hein? Non, hein? Donc on va le lire après, Inch'Allah. Et nous craignons pour celui qui fait du mal, qui est un pécheur, et nous espérons pour lui la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On parle d'Ahl Qibla de qui ici? On a expliqué de qui, hein? D'accord? C'est ceux qui sont sur le tawhid. Et Cheikh, il dit, l'imam Ahmed, « Qala, wa la nashhadu ala ahadin ahli al-qiblati bi'amalin ya'malhu bi'jannatin wa la nar, narju lis-salihi wa nakhafu alayhi, wa nakhafu ala al-musi' al-mudnib, quelle est l'explication de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala par rapport à ce point-là? Et c'est un point important parce que ça touche à l'aqidah et c'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis le début de ce livre. Hein, et on touche au fondement des gens de la sunna et du consensus. Al-sunna wal-jama'a, al-salafiyun, al-athar, al-hadith. Cheikh il dit wa la nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bin jannatin wa la nar illa idha kana kafira. كان كفرا بالله أو شركا بالله فهذا له حكمه أما بمعصية من المعاصي فلا نحكم له بجنة ولا نار إن عمل صالحا نرجو له الجنة وإن عمل ما يوجب النار نخاف عليه نرجو للمطيع ونخاف على العاصي ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار لأن هذا ليس إلا لله عز وجل إلا كفرا بواحا يهودي نصراني كافر واضح هذا يقال في النار تقطع أو نقطع بأن الكافر في النار وأما المؤمن العاصي أو المطيع فلا نحكم لأحد بجنة ولا نار هذا إلى الله سبحانه وتعالى ونرجو للمطيع ونخاف على العاصي نرجو للصالح وأيضا نخاف عليه لأنه قد يكون عامل فيما يبدو للناس الخير وهو في الواقع خلاف ذلك وقد حصل رجل أثخن في العدو وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه في النار ظاهره مجاهد ولكن النية شيء آخر. إلى غير فرنسوس حديث إنه في النار حديث أخرجه البخاري في في كتاب المغازي ومسلم في كتاب الإيمان. Et je vais vous rapporter ça et je vais vous lire le hadith après, Inch'Allah, parce que j'ai rapporté le hadith en entier, Inch'Allah. Donc, Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, il explique ce point-là, il dit, « Nous n'attestons pour personne parmi les gens de la Qibla, et on a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire, en raison d'une action qu'il a faite, qu'il est au paradis, ni qu'il est en enfer, sauf si c'est une mécréance. Que c'est une mécréance envers Allah, ou une association à Allah, celui-là a son jugement. » Tandis qu'un péché parmi les péchés, c'est-à-dire autre que ce qui fait sortir de l'islam, autre que la mécréance ou la grande mécréance ou le grand shirk, tandis qu'un péché parmi les péchés, nous le jugeons alors ni comme en étant en enfer, ni comme en étant au paradis. S'il fait une action vertueuse, nous espérons alors pour lui le paradis. Et s'il fait ce qui nécessite l'enfer, nous craignons alors pour lui. Nous espérons pour l'obéissant et nous craignons pour le désobéissant. Et nous n'affirmons pour personne le paradis ni l'enfer, car cela n'appartient qu'à Allah. Hein? D'ailleurs, on va le rapporter, ce sera la dernière parole du cours aujourd'hui, Inch'Allah. La parole de Cheikh Ben Baz dans, rahimahullah, dans ses annotations de Sahih al-Bukhari, il dit qu'on n'affirme pour personne l'enfer ou le paradis sauf avec une preuve. Il dit donc car cela n'appartient qu'à Allah, sauf en ce qui concerne la mécréance claire. Un chrétien, un juif, un mécréant clair, alors lui, on dit en enfer. Dire Cheikh Abel Jabiri, je ne veux pas être trop long, mais retourner à son explication, il a rapporté un hadith qui prouve cela, dans son explication de Usul Sunnah d'Imam Ahmed. Cheikh Rabi, il continue en disant, alors lui on dit en enfer. Hein? Nous affirmons que le mécréant est en enfer, tandis que le croyant désobéissant ou l'obéissant, nous ne jugeons pour personne qu'il est au paradis ou en enfer. Cette affaire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous espérons pour l'obéissant et nous craignons pour le désobéissant. Nous espérons pour le vertueux et nous craignons pour lui également. Pourquoi? Et c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure au début du cours, car il se peut qu'il fasse une bonne action dans ce qui apparaît aux gens, d'accord? Mais qu'il est en réalité l'opposé de cela, et cela est arrivé. Hein? Alors qu'en est-il que certains, ils font la bid'a et on les appelle shahid. Hein? Vous savez très bien de qui je veux parler. Foulan, la yuqalu li foulan shahid. Ça c'est quand l'apparence de son action est un khair. Hein? Ça c'est une preuve du Coran de la Sunna. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'il fait? C'est une bid'a, il l'appelle shahid. Donc on a dit quoi ici? Qu'il se peut qu'il fasse une action bonne dans ce qui apparaît aux gens, mais qui en réalité est l'opposé de cela. Et cela est arrivé. Et Cheikh va citer un exemple de la sunna, qui est cité dans la sunna. Un homme qui fut couvert de blessures au sein de l'ennemi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il est certes en enfer. Et c'est rapporté par Al-Bukhari 4203 et Muslim numéro 111 et 112. Alors je vous ai rapporté les Sahih Muslim avec l'explication de Cheikh Mohamed ibn Adam l'Éthiopie. C'est très très long, hein, mais on va juste lire un petit peu pour voir, pour situer dans quel cadre on parle ici. Et pour les frères qui ont le livre, parce que je sais qu'il y a quelques-uns qui l'ont, qui n'est toujours pas fini, il fait déjà 18 volumes, hein, et il a juste fait Kitab l'Iman et Kitab Salah, et on dit, il a rapporté qu'à la fin il ferait 50 volumes, Inch'Allah. C'est Cheikh l'Éthiopie, pour ceux qui le connaissent, c'est pas très étonnant d'ailleurs de sa part. Donc c'est un chapitre qui dit Bab la yadkhulu al-jannata illa nafsun muslimah wa inna Allah ta'ala yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Donc Cheikh l'imam Moussa rahimahullah rapporte un hadith. Wa hadathana Muhammad ibn Rafi' wa 'Abdu ibn Humayd jami'an 'an 'Abd ar-Razzaq qala ibn Rafi' hadathana 'Abd ar-Razzaq akhbarana Ma'mar 'an az-Zuhri 'an ibn al-Musayyib 'an Abi Hurayrata. Donc c'est qui le rapporteur ici des hadiths parmi les sahaba? أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا سيدو كل باتاي حنين فقال لرجل من من يدعى بالإسلام يبلش رواية بقصة هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. La méthode des muhaddithin, je ne sais pas si vous intéresse, en tout cas, c'est la méthode un peu des muhaddithin. parmi nos frères en Occident qui utilise sa méthode dans ces cours-là, c'est le frère Abou Hassan Malik. Je ne sais pas si vous connaissez ce frère-là. Il a fait un cours dans cette mosquée ici. C'est un frère américain qui a étudié plus de 10 ans chez Cheikh Mokbir. Il a rapporté que c'est le ou parmi les plus. Les étudiants les plus forts qui sont sortis de l'Occident, chez Cheikh Mokbir, hein, il reprend cette méthodologie. Cheikh Mohammed ibn Oudim l'Éthiopie, qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte le Sanad. Il rapporte parce qu'il a un Sanad jusqu'à l'imam Muslim lui-même. Hein, d'accord? Son père était un savant lui aussi, hein, rahimahullah. Et ce Cheikh-là, il est enseignant à Dar al-Hadith à Mecca. D'accord? Et il est enseignant il a une mosquée où il y a sa Mektaba à côté, vous pouvez trouver ses livres à Mecca, et il enseigne également dans cette mosquée. Il rapporte le Sanad, d'accord? Après, il dit Rijal Hadal Isnad, Saba. Il dit que les rapporteurs de ce Hassan, ils sont sept. Et de manière très simple et très intéressante, il rapporte un peu, hein, sur ces rapporteurs-là. Il fait une petite biographie où il rapporte le hal de ces rapporteurs-là, etc. D'accord? Il dit d'ailleurs, Abu Huraira, Sahabi Shahir, Taqaddama fil Muqaddima, il a déjà rapporté sa biographie dans l'introduction. Et puis, il rapporte la Ta'if Hadal Isnad, hein, des points, des bénéfices par rapport à ce Sanad. Il dit par exemple, annahum min sudasiyat al-musannif rahimahullah ta'ala, ce qu'on appelle un hadith sudasi. D'accord? Hein? Wa fi shaykhan al-musannif. Et dans ce sanad, il y a deux cheikhs de l'auteur qui est même musulman. Et des fawaïd comme ça, d'accord? C'est juste pour vous intéresser, pour vous rendre un peu curieux à ce genre d'écrit-là. Après cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le sharh du hadith. D'accord? Hein? Et il dit, an ibn al-musayyib. Donc partie par partie, il explique. C'est pour ça que je me réfère toujours souvent dans mes traductions à cette explication de Cheikh l'Éthiopie, parce qu'il fait une explication mot par mot, vraiment mot par mot. Tu es sûr que chaque mot va être expliqué en long en large, hein, d'accord? Et donc, hein, ça fait une page, deux pages, trois pages, quatre pages, etc. Je vais arrêter de compter parce que c'est très long, hein? Et puis à la fin, il dit Masail tata'allaqu bihadha al-hadith. Il dit des points qui sont liés à ça. Donc, il fait quoi? Il tire des masail maintenant de ce hadith, d'accord? Il dit, mais c'est la première, la deuxième, etc. Jusqu'à ce qu'il rapporte, hein, la fin, et puis à la fin, il fait une conclusion, etc. Et puis il rapporte le hadith numéro 112, qui est l'autre qu'a cité Cheikh Rabi', etc. Et puis il rapporte aussi de la même manière sur le salade, sur point par point dans le hadith, et sur le charge du hadith, et qu'est-ce qu'il faut comprendre du hadith, qu'est-ce qu'on tire du hadith, etc. Alors maintenant, pourquoi je vous ai rapporté ça? Parce que le hadith, il dit que c'est Abu Huraira qui rapporte le hadith. Que nous avons été. Nous avons participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Hunayn. Shahidna ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Hunayna. Faqa li rajulin mimman yud'a bil islam. Il a dit au sujet à un homme, hein, qui était connu pour l'islam, ou qui était connu pour l'islam. Je ne vais pas rentrer trop en détail par yad'a l'islam ou yud'a l'islam. Cheikh l'Éthiopie, il a parlé de ça en long et en large. Il a dit à son sujet, hada min ahli an-nar. Celui-là fait partie des gens de l'enfer. Falamma hadarna al-qital, lorsque nous avons participé au combat, l'homme s'est battu d'une manière, hein, d'une manière très très forte. Il a été, hein, dans l'explication sur l'Éthiopie, il a dit qu'il a été touché par beaucoup de blessures. Il a été dit alors à ce moment-là, ô messager d'Allah, cet homme dont tu as dit à son sujet ce que tu as dit précédemment, hein, eh bien, qui fait partie des gens de l'enfer. Il a certes combattu aujourd'hui d'un combat très, très féroce. Et il est mort, écoutez bien ce qu'il a dit ici. Faqala an-nabi sallam ila an-nar, en enfer. Hein? Ils lui ont dit alors qu'il est mort, il est mort maintenant. Pourquoi ça veut dire? Il a dit en enfer. Fakada ba'd al-muslimin an yartab. Certains musulmans ont failli avoir un doute, mais Cheikh l'Éthiopie l'a expliqué, il a dit quoi? Ils ont été étonnés en fait. Ils ont été étonnés parce que de ce qu'ils ont vu de lui, que quoi qu'il a combattu, mais en référence c'est qu'il a été tué en plein jihad. D'accord? فبينما هم على ذلك alors que eux étaient dans cette situation, id qila, il fut dit انه لم يموت, quelqu'un, hein, qui le suivait dans certains riwayat, etc. Eh bien quoi, il n'est pas mort en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien لكن به جراحا شديده, il avait des blessures très très fortes, hein. فلما كان من الليل, lorsqu'il fut la nuit, لم يصبر على الجراح, il ne patienta pas quant à ses blessures. فقتل نفسه, et il donc se tua lui-même. D'accord? Hein? Faqala, ensuite, fa'ukhbira an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bidalik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé, il dit à ce moment-là, Allahu Akbar. Hein? Et Cheikh l'Éthiopie, dans la justification, il dit que c'est une preuve, que c'est une mu'jiza, c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Parce qu'il a su. D'accord? Allahu Akbar, ashhadu anni, hein? Abdullahi wa rasuluh. Thumma amara bilalan fanada fin nas. Donc il a dit, j'atteste certes que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Et puis il a ordonné à Bilal d'appeler les gens. Et puis il a dit, Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima, ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Vous allez voir, chez l'Éthiopie, il a rapporté aussi croyante. Il expliquait pourquoi. Car, et certes, Allah aide, assiste sa religion au travers d'un homme qui n'est pas un homme pieux, yani, qui est un homme fajir. D'accord? Hein? Et bon, le prophète sallam reçoit la révélation. Donc, il connaît, hein, la situation de certaines personnes par la révélation. D'accord? Donc, juste pour vous rapporter le contexte de ce qu'on a dit ici. Et Cheikh, il dit donc, en apparence, c'est donc un mujahid. Mais l'intention, c'est autre chose. Et il n'y a que Allah Azzawajal qui connaît les intentions. D'accord? Et puis, il rapporte un autre exemple. Il dit, « وَكَذَلِكَ الَّذِي أُصِيبَ بِسَهْمٍ قَالَ الصَّحَابَ فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى أَتَوُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلَّا إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي غَلَّهَا لتلتهب عليه نارا. والحديث أخرج البخاري ومسلم فهو حديث متفق عليه. Il dit un autre exemple, et comme celui qui a été touché par une flèche, les compagnons ont dit, un tel est un martyr, un tel est un martyr. Jusqu'à ce qu'il se rende chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, certes non. Shamla, eh bien c'est un vêtement avec lequel on se couvre et qu'on enroule autour de soi. Comme l'a dit Ibn Athir dans Nihaya. Ibn Athir, c'est un cheikh que je cite souvent dans mes cours. Pourquoi je vous conseille d'acheter ce livre-là? Ibn al-Athir, c'est un savant qui il a fait. Il a écrit un livre qui s'appelle An-Nihaya fi Gharib al-Hadith. C'est un dictionnaire en fait qui rapporte les mots qui sont difficiles, qui ne sont pas souvent utilisés dans les hadiths. Et il explique qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait. Et donc il a expliqué dans ce livre-là le mot Shamla, qu'est-ce qu'il veut dire? Et il dit que c'est un vêtement avec lequel on se couvre et qu'on enroule autour de soi, comme l'a dit Ibn Kathir, comme je l'ai dit maintenant, dans An-Nihaya. Donc, un shamla qu'il a prise lors de la bataille de Khaybar, sans que cela ça part du butin. Comme l'a expliqué Cheikh Mohammed ibn Adam l'Éthiopie, sans flamme sur lui. Vous comprenez ça ou pas? C'est-à-dire quelqu'un qui est touché par une flèche. Hein? Dans l'explication de Sahih Muslim, vous voyez qu'en fait, c'était un abd, Abdur Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hein, et qu'il a voulu aller chercher quelque chose accroché à sa monture, etc., et qu'il a été touché par une flèche. D'accord? Et donc, les Sahaba, ils ont dit quoi? Ils ont dit, Foulan ou Shahid, hein? Un tel est un martyr, un tel est un martyr. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Kalla, certes non. Inna shamlata jusqu'à la fin du hadith. Et qu'est-ce que le hadith veut dire ici? Ash-shamla, on a expliqué c'est quoi le shamla, que c'était un vêtement, qu'il a prise, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Lors de la bataille de Khabar, sans que cela ça part du butin. Hein? Il l'a prise sans que cela ça part du butin. Eh bien, elle s'enflamme sur lui. Taltahibu alihi nara. Comme les l'Éthiopie, la tashta'ilu alayhi nara. Elle s'enflamme autour de lui, d'accord? On s'enflamme sur lui. Donc c'est un hadith rapporté par le Bukhari numéro 4224 et Muslim numéro 115. Et la formulation ici, elle est de l'imam Muslim, rahimahullah. Donc c'est encore quoi un exemple que quoi? Que ce qui est apparent, hein, peut être différent de ce qui est la réalité, d'accord? Hein? Et al-Ala, kana indaha Uthman ibn Mad'oun. تمرده فمات فقال يا أبا السائب لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يدريك أن الله أكرمه والله إني لا رسول الله إني لا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي attention ici il faut faire une précision فقالت لا أزكي أحدا بعده ثم رأت في النوم أنه له عينا تجري فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله الشاهد أنك لا تجزم لأحد بجنة Avec ça, on a fini le chapitre, inshallah. Donc maintenant ici, et suivez bien ici, al-Ala, encore un autre exemple de ce que Cheikh Rabi' il avance ici. Al-Ala, chez qui était soigné Uthman ibn Mad'oun, et qui mourut, elle dit, ô Abu Sa'ib, Allah t'a certes honoré. Regardez la réaction du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors, et qu'en sais-tu qu'Allah l'a honoré? Par Allah, je suis certes le messager d'Allah, et je ne sais pas ce qu'il y adviendra de moi. Alors ici, ça ne vous interpelle pas ici. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Personne ici, non? Ça vous interpelle pas? Hein? Non? T'as dit oui, tu dois dire quoi maintenant? Hein? Exactement, très juste. Hein? Eh bien, écoutez bien. Je vais rapporter la parole de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, ici. Cheikh Ben Baz dit dans son annotation de Sahih al-Bukhari, il dit que c'était avant qu'il sache qu'il est au paradis. De même que le verset dans la traduction du sens est, hein, ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. De même que le verset dans la traduction du sens est, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, surat al-Ahqaf, verset 9, avant qu'il ne le sache. Et c'est volume 2, dans les annotations de Cheikh Ben Baz de Sahih al-Bukhari, volume 2, page 415. Elle dit alors, c'est qui dit ici? Elle, c'est qui? On va voir si vous suivez. Vous avez le livre, c'est facile. Oum l'Ala, elle a dit, par Allah, je ne vanterai personne après lui. Puis elle vit dans un rêve qu'il avait une source qui coule. Elle en informa le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, c'est son œuvre. Dalika amalo. D'accord? Et le hadith, je vous donne sa référence, il est rapporté par le Bukhari, hadith numéro 2687. Et cher, il dit, le témoin argumentatif de ce hadith est que tu n'affirmes pour personne qu'il est en enfer ou au paradis. Et je termine sur un point de Cheikh Ben Baz, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il dit d'ailleurs, rahimahullah, Cheikh Ben Baz, dans la référence précitée, ces annotations de Sahih al-Bukhari, page 416 maintenant, الشهادة المعينة بالجنة الشهادة المعينة بالجنة أو النار تحتاج إلى دليل. Attester d'une personne spécifique qu'elle est en enfer ou au paradis requiert une preuve. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc inchallah, si tout va bien, on se voit samedi prochain, peut-être pas pour terminer sur le sunnah, mais en tout cas pour bien avancer inchallah, et on arrive vraiment petit à petit à la fin inchallah. Jazakumullahu khairan.